13h presque 21, très bon début d'après-midi à toutes et à tous avec nous. On la débute avec Patrick Penaud et ses rendez-vous avec X. C'était le 4 octobre 1992, un dimanche. La nuit venait de tomber sur la banlieue d'Amsterdam, dans la cité de Bemmermeer exactement. À cette heure-là, dans les grands immeubles de type HLM qui accueillent une population essentiellement immigrée, on regarde la télévision. La traditionnelle émission Studio Sport, très regardée aux Pays-Bas. Soudain, un bruit énorme et aussitôt des flammes de plus de 30 mètres de haut jaillissent. Un Boeing, un jumbo jet, vient de frapper de plein fouet une barre d'immeubles. Deux bâtiments sont transpercés. Une mer de feu se propage rapidement. Plus de 50 appartements sont détruits. 47 personnes sont mortes, tuées sur le coup, ou brûlées vives. Des centaines d'autres sont blessées. Sans doute vous souvenez-vous de ce terrible accident d'avion. Ici même, nous en avons brièvement parlé avec M. X à propos d'un étrange dossier, celui du professeur Marcus Klingberg, celui qu'on a appelé le masque de fer israélien. Un scientifique accusé d'avoir trahi son pays au profit de l'URSS et qui est resté de nombreuses années en prison au secret. Nous y reviendrons. Le Boeing était un avion cargo de la compagnie El Al. Il venait de décoller de l'aéroport de Schiphol, l'aérodrome d'Amsterdam, et avait fait demi-tour en raison de graves ennuis de réacteur. Très rapidement, cette catastrophe a été auréolée de mystères. Le plus grand de ces mystères étant le contenu réel de la cargaison du jumbo jet. Il apparaît en effet que les autorités néerlandaises, avec la complicité des Israéliens, ont menti et ont tout fait pour camoufler les véritables causes du crash et la nature de la cargaison de l'avion. Pourquoi ? S'agissait-il d'un attentat ? Quel secret se trouvait dans la soute de l'avion cargo ? Monsieur X a choisi cette semaine d'aborder cette affaire parce qu'elle apporte un éclairage nouveau et inquiétant sur les recherches et le potentiel militaire de l'État d'Israël. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Je vous propose d'abord, si vous le voulez bien, de nous intéresser aux circonstances de ce curieux accident. Tel qu'il s'agit d'un avion d'El Al, on peut en effet s'interroger et nourrir quelques soupçons. Ouais, forcément à cause du terrorisme arabe. Bien sûr. D'ailleurs, très peu de temps après le crash, le patron de la commission d'enquête israélienne, le général Amos Lapidote, parle de sabotage. Et venant d'un tel homme, cette affirmation a un certain poids. Et pourquoi, hein ? Parce que Lapidote n'est pas n'importe qui. C'est l'ancien chef des forces aériennes israéliennes, le général qui a mis au point le raid sur le QG des Palestiniens à Tunis en 1985, je crois. J'ajoute que, bien sûr, il a été pilote de chasse. Mais sur quoi se fonde ce Lapidote, là ? Le fait que deux moteurs du Boeing se sont simultanément détachés de l'aile droite de l'avion. Les deux en même temps ? Et presque en même temps. Un moteur qui se détache, bon, on a déjà vu ça souvent, il y a une chance sur 10 000 pour que ça arrive. C'est rassurant, deux, ouais. Enfin, deux, ça semble véritablement improbable. Ouais. Alors, vous y croyez, vous aussi ? Écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste en aéronautique. Par contre, ce que je sais, c'est que les Israéliens étaient extrêmement vigilants pour tout ce qui concerne les transports aériens. Les vols passagers comme les vols cargo. Et cela depuis l'affaire d'Entebbe, vous vous souvenez ? Ah oui, bien sûr, ça c'était un avion d'Air France sur la ligne Paris-Tel Aviv qui avait été tourné en Ouganda par des terroristes pro-palestiniens. C'est ça, oui, avec une opération éclair des commandos israéliens qui avait permis d'obtenir la libération des passagers pris en otage et de tuer tous les terroristes. Bon, donc après cette affaire, des consignes, vous en doutez, de sécurité très strictes avaient été mises en place par les Israéliens. Et la compagnie El Al était assurément devenue l'une des plus sûres au monde, sinon la plus sûre. Donc, on pouvait légitimement nourrir des doutes dans l'affaire d'Amsterdam. Oui, parce qu'un avion d'El Al, même aux escales, n'était jamais laissé sans surveillance. Mais tout est possible, vous le savez bien. À commencer par l'existence d'une taupe dans les services de sécurité. Puis sur un aéroport, beaucoup de gens circulent. Oui, en clair, vous n'avez donc aucune certitude. Non, c'est vrai. Alors pour commencer, essayons de reconstituer ce qui s'est passé exactement ce soir-là. Ouais. Mais grâce à quelle source? Essentiellement grâce aux enregistrements effectués par la tour de contrôle de Schiphol. Et les fameuses boîtes noires? Une seule a été retrouvée, enfin en principe. Que voulez-vous dire? Bien, on peut imaginer qu'une des boîtes, enfin celle qui enregistre la conversation des membres de l'équipage, a été subtilisée peu après le crash. Oui, subtilisée? Oui, parce que les bandes contenaient peut-être des éléments d'information qu'il convenait de mettre à l'abri des oreilles indiscrètes ou trop curieuses. Bon, je pense qu'on va y revenir, mais l'autre boîte a été retrouvée? C'est exact. Elle était en très mauvais état à cause du violent incendie qui s'est déclaré au moment du crash. Mais les spécialistes ont quand même pu relever les principaux paramètres enregistrés. Des informations qui corroborent d'ailleurs la teneur des conversations entre les deux pilotes et les contrôleurs aériens. Alors, allons-y, racontez-moi. Le Boeing Del Al vient de New York. Amsterdam est donc une escale. Exactement, une escale qui dure à peu près 3 heures, le temps de compléter le fret. Le Boeing redécolle à 19h20, heure locale. Il est très lourdement chargé et s'élève lentement. Lourdement chargé, ça... Il transporte plus d'une centaine de tonnes de fret et il vient de faire le plein de carburant. Ouais. Et la météo? Plutôt bonne, même s'il y a des rafales de vent assez fortes. Ouais. Alors, que transporte ce Boeing? Ah, ça, c'est la grande question. Mais je vous propose de nous y intéresser un petit peu plus tard, si vous voulez bien. Mm-hmm. Le début du vol se passe sans difficulté particulière. Il y a combien de personnes à bord? 3 hommes d'équipage et une femme. Une employée de la compagnie? Bah, franchement, je n'en sais rien. Il semble que cette passagère, une Israélienne, a simplement profité du vol pour rentrer dans son pays. Une sorte de passagère clandestine. Hein. On peut voir les choses comme ça, sauf bien sûr qu'elle est montée avec l'autorisation du commandant de bord. Mm. Et la présence de cette femme n'a rien à voir avec le crash? Écoutez, honnêtement, je ne le pense pas. Bon, alors l'équipage? Le commandant de bord, Isaac Fuchs, et son copilote sont tous les deux des professionnels très expérimentés. Mm. Alors quand apparaissent les premiers problèmes à bord? Le Boeing, selon la procédure de départ prévue par les autorités de Schiphol, contourne la ville d'Amsterdam par le nord. Oui, donc avant de prendre la route vers le sud. Exactement. Mm-hmm. Quelques minutes après le décollage, l'avion vole déjà à plus de 2000 mètres et à presque 700 km à l'heure. Il commence à virer, mais soudain de violentes secousses se produisent et le Boeing est embarqué vers la droite. Le pilote doit réagir aussitôt en tirant sur le manche pour redresser l'appareil. Alors que s'est-il passé à votre avis? Le pilote ne le sait pas encore. Mm-hmm. Mais peu après l'incident, un voyant s'allume. Le moteur numéro 3 est en feu. Aussitôt, le commandant de bord met en œuvre les procédures réglementaires. C'est-à-dire? L'arrivée de carburant au moteur est coupée et dans le même temps, une poudre anti-incendie est projetée dans le réacteur. Et en général, ça suffit, ça? Oui, le moteur privé de carburant s'arrête et le feu aussi, par exemple. Mais quand même, la panne d'un moteur sur un quadri-réacteur aussi lourd et volumineux, non? Pas de problème. Ah bon? Boeing, le constructeur, a même prévu qu'un 747 puisse voler sur seulement 2 moteurs. Seulement dans le cas du vol Del Al, il y a quand même plus grave. À raconter, alors. Comment dire, le témoin lumineux du moteur numéro 3 a donné malgré lui une fausse information. Le réacteur numéro 3 n'est pas en feu. Il a tout simplement disparu. C'est-à-dire qu'il a disparu, c'est-à-dire qu'il s'est détaché de l'aile? Tout à fait ça, oui. Et une telle masse métallique qui s'arrache d'une aile à plus de 600 km à l'heure, c'est pas sans conséquence. Mm-hmm. D'ailleurs, à bord, l'équipage s'en aperçoit tout de suite. Mais comment alors? Il se produit d'abord plusieurs bruits insolites, des bruits inquiétants. Attendez, à ce moment-là, le commandant de bord ne sait toujours pas que le moteur s'est arraché. Hein. Mais, je sais pas moi, l'équipage n'a pas regardé par le hublot? Il s'agit d'un avion cargo. Un appareil qui ne dispose pas de hublot sur le fuselage. Dans la cabine, on peut voir devant immédiatement à gauche et à droite, mais pas derrière au niveau des ailes, vous comprenez? Oui. Bon, mais alors comment réagit le commandant de bord? Enfin, autant qu'on puisse le savoir. Hein. Il prend immédiatement la décision de faire demi-tour et lance aussitôt un appel de détresse. Un mayday, comme on dit dans le jargon aéronautique. Mmh, c'est-à-dire un appel, hein, si je comprends bien, qui lui donne une priorité absolue sur tous les autres appareils qui peuvent se trouver en vol, dans la zone ou sur le point d'atterrir. Tout à fait, oui, c'est ça. Et à cet instant-là, où se trouve le Boeing par rapport à l'aérodrome? Alors, comme il a fait le tour d'Amsterdam avant de prendre un cap sud, il n'est pas très loin de Schiphol, une vingtaine de kilomètres tout au plus. C'est très près pour un appareil qui vole à plus de 600 km à l'heure. Hein. Oui, et dans de bonnes conditions, le commandant de bord pourrait rallier très rapidement la piste. Ouais. Vous avez dit dans de bonnes conditions, c'est donc que ces bonnes conditions n'existent plus, sans doute à cause du moteur qui a été arraché. Il y a de ça, bien sûr, mais il y a également une mauvaise gestion au sol. C'est-à-dire la tour de contrôle? Oui. Le contrôleur aérien qui a reçu le message de détresse semble ne pas avoir vraiment saisi la gravité de ce qui se passe. Ses indications sont hésitantes. Or, là-haut, la situation se détériore très vite. Il y a urgence. Le Boeing Del Al, 7 minutes après avoir décollé, est donc en grande difficulté. Et M. X a parlé de cafouillage au niveau du contrôle aérien de l'aérodrome de Schiphol. Un auteur, Jean-Pierre Otelli, a consacré un ouvrage aux catastrophes aériennes, livre paru aux éditions Altipress. Dans un chapitre très documenté, il reproduit une partie du dialogue entre le pilote du Boeing et le contrôleur aérien néerlandais, et il commente chaque phase. J'en extrais ces quelques lignes. C'est le contrôleur qui parle. Il est 17h28min11s en temps universel. Virez à droite au cap 260. Le terrain est derrière vous. À l'ouest. Distance 18 000. Commentaire de Jean-Pierre Otelli. Le contrôleur ne fait pas preuve d'une grande vivacité d'esprit. Il cherche visiblement à donner à l'avion une position de type horaire. Normalement, il devrait dire « le terrain est à vos 3 heures ». Mais l'homme au radar bafouille. Il se trompe en disant que l'aéroport est derrière le Boeing. En réalité, il se trouve sur sa droite et l'avion n'est pas à 18 000 du terrain, mais à 12 000, ce qui fait une grande différence. Le dialogue se poursuit. Copilote. 17h28min17s. Nous avons le feu sur le réacteur numéro 3. Nous avons le feu sur le réacteur numéro 3. Contrôleur, 17h28min22s. Cap 270 pour l'avant arrière. Commentaire. Le contrôleur ne semble pas prendre la mesure du problème. Il propose à l'appareil de se reporter en vent arrière pour la piste 06. Ce n'est pas la procédure la plus rapide pour atterrir. L'aéroport de Schiphol comporte 5 pistes, la 19-01 droite, la 19-01 gauche, la 27-09, la 24-06 et la 22-04, cette dernière plus courte est réservée aux avions plus légers. Chaque piste peut être utilisée dans les deux sens, ce qui fait un total de 10 possibilités pour l'atterrissage en catastrophe du 747. Or, la piste proposée est la moins adaptée aux circonstances. La situation se détériore rapidement, hein, m'avez-vous dit. Oui. Soudain, un nouveau témoin s'allume sur le tableau de bord. Il indique que le moteur numéro 4 est à son tour en feu. Mais est-ce qu'il est vraiment en feu ou est-ce qu'il s'est arraché comme l'autre? Et encore une fois, le pilote ne peut pas le savoir. Ouais. Ah, quand même, 2 moteurs en feu, c'est énorme, non? Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qui est arrivé en réalité? En réalité, c'est beaucoup dire. Mais les spécialistes ont essayé de comprendre. Et la version généralement admise est celle-ci. Le moteur numéro 3 se détache. Mais en s'arrachant de l'aile du Boeing, il heurte le réacteur voisin, le numéro 4. Celui-ci continue à fonctionner quelques instants, puis il finit par se détacher à son tour. C'est une explication qui, moi, me paraît plausible. Hein. Tout à fait. Mais il reste à savoir pourquoi le premier moteur s'est détaché. C'est la question essentielle. Bon, on en reparlera, mais poursuivons. Bah, le Boeing vole donc maintenant avec seulement 2 réacteurs et tous 2 situés sur la même aile. Oui, sur l'aile gauche. Ce qui doit quand même poser de sérieux problèmes de pilotage. Bien entendu. Ça ne doit pas être facile. Mais le commandant de bord maîtrise encore sa machine. Alors que la confusion demeure à la tour de contrôle. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais à plusieurs reprises au sol, on demande au pilote de changer de fréquence de radio. Comme si l'équipage n'avait que ça à faire. Vous avez raison. Puis, à la question de la meilleure piste à choisir pour atterrir en catastrophe. Le commandant de bord, lui, sait exactement où il veut se poser. Mais le contrôle aérien cafouille oblige le Boeing à effectuer plusieurs changements de cap qui l'éloignent de la piste. On perd du temps, alors. Exactement. De précieuses dizaines de secondes sont ainsi perdues. Et c'est d'autant plus grave que l'appareil y est encore plus sérieusement touché que le commandant de bord lui-même ne peut l'imaginer. Expliquer. Eh bien, les 2 moteurs, en s'arrachant, ont endommagé l'aile et les instruments qui l'équipent, et en particulier les ailerons et les aérofreins. L'avion doit donc être de plus en plus difficilement gouvernable. Oui, il ne faut pas oublier que seuls les réacteurs de gauche fonctionnent encore. Par conséquent, la poussée n'est pas symétrique et le pilote a beaucoup de mal à conserver un cap et donc une trajectoire rectiligne. D'autant plus que pour arriver au plus vite, le commandant de bord a gardé une vitesse élevée. Dans ces conditions, la catastrophe devient presque inévitable, non? Et bientôt, le pilote du Boeing annonce qu'il a de plus en plus de mal à contrôler son appareil. Une difficulté qui va encore croissant lorsque la vitesse diminue. Le Boeing commence alors à pencher dangereusement vers la droite et le commandant de bord n'arrive plus à retrouver une situation horizontale. L'appareil risque alors de décrocher? En effet. Et c'est le drame. Dans la tour de contrôle, on entend le pilote qui hurle « On tombe, on tombe !» Puis il ordonne au copilote de sortir le train. Mais c'est trop tard. Et c'est le silence. Le Boeing est alors en piqué et ses 350 tonnes vont frapper de plein fouet une barre HLM de Bermermer. Je me reporte une nouvelle fois au livre de Jean-Pierre Otelli sur les catastrophes aériennes. Voici ce qu'il écrit sur la fin du Boeing d'El Al. Au moment où le pilote perd le contrôle de son appareil, il se trouve à environ 13 km à l'est de l'aéroport de Schiphol. Malgré les efforts désespérés du pilote, l'avion part alors en virage engagé à plus de 90 degrés d'inclinaison. Les 2 réacteurs restants sont plein gaz, les volets sont rentrés, les becs de bord d'attaque sont partiellement sortis, le train d'atterrissage est en mouvement pour sortir. Le Boeing plonge dans un piqué mortel de plus de 70 degrés. C'est la fin. À 17h35min42s, les 350 tonnes de l'appareil s'écrasent sur 2 immeubles d'habitation de 11 étages. Les débris de l'avion et de l'immeuble mêlé sont projetés dans un rayon de près de 450 mètres autour du point d'impact. Il y a eu, je vous le rappelle, presque 50 morts, dont bien sûr les trois membres d'équipage. Ouais, et la passagère clandestine. Oui. Mmh. L'enquête a immédiatement commencé. Naturellement. Et dès que l'immense incendie a été maîtrisé, la priorité après le sauvetage des nombreux blessés a été la recherche des fameuses boîtes noires. Mais je vous l'ai dit, on n'en a retrouvé qu'une. Oui, c'est-à-dire l'enregistreur de vol. C'est cela, mais l'autre a disparu. Donc l'autre, c'est celle qui a enregistré les conversations dans le cockpit. Oui, tout à fait, oui. Mmh. Vous pensez qu'on l'a volé? Ça me paraît évident, non? Mais pourquoi? Parce que les membres de l'équipage savaient sans nul doute ce que la soute de l'appareil contenait. Ils savaient donc qu'en cas de crash ou même d'atterrissage en catastrophe, ils couraient un risque certain. À cause de la nature de la cargaison? Naturellement. Mmh. Et il paraît probable qu'ils en ont parlé entre eux lorsqu'ils ont compris que le Boeing était en difficulté. Mmh. Alors, cette cargaison? Encore un peu de patience, monsieur Penaud. Encore? Enfin, très curieusement, sur les lieux du crash, en fouillant parmi les débris, les décombres des immeubles, on a vu apparaître des hommes en blanc. Des hommes en blanc, vous voulez dire des médecins? Non. Des hommes vêtus de combinaisons blanches qui sont arrivés, mais vraiment très vite en hélicoptère. Des combinaisons qui ressemblent à des combinaisons de survie. Vous voulez dire des combinaisons de protection? Voilà. Mmh. Et ce seraient ces hommes qui auraient dérobé la deuxième boîte noire? Vraisemblablement, oui. Mais ils n'étaient pas là uniquement pour cela. Ils étaient chargés de vérifier ce qu'il était advenu de la cargaison du Boeing. Mais toujours la cargaison. Bien sûr, puisqu'elle est au centre de cette histoire. Alors, on va y revenir, hein, c'est ça. Mais d'abord une question. Alors, qui étaient ces hommes en combinaison blanche? À mon avis, il n'y a que deux possibilités. Ou bien c'était des spécialistes des services de sécurité néerlandais, ou bien... Ou bien c'était des agents israéliens. Ah. Des hommes, en tout cas, qui agissaient en parfaite intelligence avec les autorités du pays. Alors, votre avis? Je ne pense pas que les Israéliens auraient eu le temps d'envoyer une équipe sur place. Par conséquent, je suis persuadé qu'il s'agissait de Néerlandais. Mais vous m'avez dit des spécialistes, hein, c'est ça? Mais des spécialistes de quoi? Des spécialistes militaires, par exemple. Ouais, ça commence à être plus précis. Alors, officiellement, l'avion transportait quoi, hein? Parce qu'il devait quand même, exister des documents douaniers ou autres qui spécifiaient la nature de la cargaison de l'avion. Ouais, vous avez raison. Et bien officiellement, comme vous dites, le cargo transportait des appareils électroniques, des parfums et des fleurs. Rien de dangereux, donc? En effet. En tout cas, rien qui justifie la présence sur les lieux de ces mystérieux hommes en combinaison blanche. Tout à fait. Donc les documents étaient truqués. Une nouvelle fois, vous avez raison. Mais à l'époque, personne ne s'est étonné. Et personne non plus n'a douté de la bonne foi des dirigeants de la compagnie El Al et des autorités néerlandaises. Mais pourquoi? Parce que l'attention a été très vite attirée par une autre question importante. Comment et pourquoi les moteurs s'étaient détachés? C'était capital, parce que des dizaines, peut-être même des centaines de 747 continuaient à voler dans le monde. Mmh. Et que leur sécurité donc, était peut-être en danger. Mais on va voir, et on va voir que la question n'était pas dénuée d'intérêt. Même si en même temps on a découvert que techniquement les systèmes de fixation des moteurs sur les Boeing n'étaient pas entièrement fiables. Je suis sûr qu'on a botté en touche. Ouais. C'est-à-dire qu'on a voulu détourner l'attention. C'est ce que je crois, oui. Et le premier à tenter cette opération au rideau de fumée, ça a été le général israélien Lapidot, qui, même avant de s'être rendu sur place et d'avoir commencé son enquête, a parlé d'attentat. C'était pour le moins, à mon avis, prématuré. Mais il ne s'agissait nullement d'une bévue. Lapidot a parlé sur ordre, pour que la presse et l'opinion évitent de s'intéresser de trop près à la mystérieuse cargaison du Boeing d'El Al. Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Nous allons bien sûr revenir sur cette question de la cargaison du Boeing d'El Al. Mais auparavant, il faut bien reconnaître qu'il existait une vraie polémique au sujet des systèmes de fixation des réacteurs sur les ailes des appareils du même type. Ainsi, voici ce qu'on peut lire dans le Figaro du 8 octobre 1992. Trois jours après le crash du Boeing 747 cargo d'El Al dans la banlieue d'Amsterdam, une note interne recommandait hier aux membres du syndicat national des pilotes de ligne de vérifier, avant d'accepter un vol sur 747, que leur appareil a bien subi le contrôle demandé par Boeing au lendemain de l'accident, s'il totalise plus de 40 000 heures de vol ou plus de 9 000 cycles d'utilisation. Les spécialistes suspectent en effet de plus en plus fortement le système de fixation des réacteurs. Confirmation que le problème de fixation des moteurs n'est pas nouveau sur les Jumbo. Le groupe Air France a annoncé hier avoir entrepris une surveillance régulière de la tâche des mâts de fixation bien avant le crash de dimanche sur tous les avions correspondant aux critères de suspicion, à savoir les appareils totalisant plus de ces fameuses 40 000 heures de vol et disposant de moteurs construits par Pratt et Whitney ou Rolls-Royce. Air France a assuré n'avoir jamais constaté de défaut sur les 13 appareils de sa flotte des Boeing 747-100 concernés par la demande d'inspection. Mais ce n'est pas le cas pour Japan Airlines, dont 12 Jumbo équipés de réacteurs Pratt et Whitney, ont dû subir une révision de leur système de fixation moteur. D'autre part, dans Libération du 16 novembre, on lit « L'administration fédérale américaine de l'aviation civile a ordonné vendredi le remplacement de toutes les fixations des réacteurs de Boeing 747 considérés comme probables responsables de la catastrophe aérienne du 4 octobre dernier. » Il y avait donc un vrai problème, un problème sérieux. Il me faut encore ajouter, et peut-être cela faisait-il partie de l'opération Rideau de fumée, que dans les jours qui ont suivi le crash du Boeing, on a mis en cause l'état de l'avion. C'est-à-dire ? Bien, ce jumbo jet, avec le même pilote aux commandes, avait eu des problèmes de train d'atterrissage 3 ans plus tôt à New York. Il avait failli s'écraser. C'est vrai, ça ? Sans doute, oui. Mais il avait été réparé. On a aussi dit que depuis l'incident de New York, il aurait perdu un aileron et l'un de ses moteurs aurait pris feu avant l'atterrissage à Amsterdam. Enfin bref, cet avion aurait été, certains journalistes n'ont pas hésité à l'écrire, un véritable cercueil volant. Ah, mais j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Non. Alors pourquoi ? Bah, écoutez, il y a de multiples raisons. La première, c'est que la compagnie El Al a toujours eu une excellente réputation en matière de sécurité technique et que je n'imagine pas ses dirigeants autoriser un appareil pourri à prendre l'air. Puis, comme je n'imagine pas non plus que le commandant de bord, qui était un pilote chevronné, ait accepté de s'embarquer dans un cercueil volant. Ouais. Autre raison ? La cargaison, toujours, une très précieuse cargaison. Non, j'ignore toujours la nature. Hein. J'y viens. Mais est-ce que El Al aurait confié une aussi précieuse cargaison à un avion hors d'état de voler ? Non, c'est invraisemblable. Et puis, il y a un point qui m'a intrigué, je vous l'ai dit. El Al était fier de sa très bonne réputation. C'était même un argument commercial de poids. Or, apparemment, elle a laissé dire. Et lorsqu'elle s'est enfin défendue, ça a été simplement pour attaquer le constructeur Boeing. Ouais. Pensez donc qu'elle n'a pas protesté parce qu'il fallait faire oublier au plus vite la nature de cette fameuse cargaison du Boeing. Bah oui, c'est évident. Il y avait des intérêts supérieurs qui interdisaient à la compagnie israélienne de se défendre comme elle en aurait eu le droit et les possibilités. Bon, il est peut-être temps maintenant d'approcher la vérité, non ? Le Boeing, je vous l'ai dit, est tombé sur un quartier très populeux de la banlieue d'Amsterdam. Ouais. Bemermer, c'est ça ? Oui. Un quartier majoritairement peuplé d'immigrés en provenance du Suriname, ancienne colonie hollandaise. Un quartier donc où vivent aussi pas mal de clandestins. Des gens qui vivent plutôt cachés et qui hésitent en tout cas à se plaindre lorsqu'il leur arrive quelque chose, même si c'est grave. Quoi, par exemple ? Des maladies. Or, malgré la discrétion et la timidité naturelle de ces immigrés du quartier de Bemermer, les services sanitaires et sociaux ont constaté une augmentation anormale des maladies chez les habitants qui demeuraient à proximité des lieux du crash du Boeing d'El Al. Quel genre de maladies ? Des difficultés respiratoires, des maladies de peau incurables, mais aussi des problèmes nerveux. Des médecins ont même noté une augmentation notoire de cas de cancer. J'ajoute que certains des sauveteurs qui avaient été envoyés sur les lieux souffraient eux aussi des mêmes maux. Mais ces maladies touchaient beaucoup de gens ? Oui, on a estimé que plus de 1100 personnes étaient concernées, dont plusieurs femmes qui avaient connu des complications de grossesse. 1100 personnes, ce n'est pas rien quand même. Et l'affaire a commencé à transpirer. Oui, mais très tardivement. Fin 1998 seulement. Il y a un an, quoi. Oui, et pourtant, depuis la catastrophe, 6 ans plus tôt, les habitants de Bemermer se doutaient bien qu'on leur cachait quelque chose. Mais comment l'affaire a éclaté, alors ? Des journalistes néerlandais, sans doute alertés par les médecins du quartier, se lancent sur la piste. Mais comment perdent-ils ? Ben, ils étudient minutieusement les documents du fret. Et très vite, ils s'aperçoivent que ces papiers sont incomplets. 20 tonnes, sur la centaine au total que comprenait la cargaison, ne sont pas identifiées sur les documents douaniers. Alors il remonte à la source, c'est-à-dire aux États-Unis, là où l'avion cargo a été chargé. Et de fil en aiguille, il découvre une partie du poteau rose. Une partie, c'est-à-dire ? Ben, il parvient à retrouver l'une des firmes américaines qui a livré une partie de ce fret inconnu. C'est une entreprise chimique située en Pennsylvanie. Une entreprise qui travaille régulièrement pour Israël et en particulier pour le ministère israélien de la Défense. Et quel genre de produits chimiques livrait-elle ? Des produits destinés à fabriquer du sarin. Le sarin, vous savez ce que c'est ? Oui, c'est un gaz de combat. Exactement. C'est même le gaz qui a été utilisé par la secte Aum dans le métro de Tokyo. Ah oui, ouais. Le sarin est un produit redoutable qui s'attaque au système nerveux et provoque une mort très rapide. Or, dans la soute du jumbo jet d'El Al, il y avait près de 190 litres du principal composant du sarin. Et il ne fait nul doute que ce produit chimique s'est répandu dans l'atmosphère lors du crash. Et en brûlant, il a dû donner naissance à des composants chimiques tout aussi dangereux pour l'organisme. Et quand l'affaire a été révélée, j'imagine qu'elle a provoqué un énorme scandale. Bien sûr. Et le gouvernement a dû accepter qu'une commission parlementaire enquête sur cette affaire. Et les conclusions des enquêteurs ? Bon, la plupart des informations recueillies par les journalistes ont été confirmées. Et surtout, les parlementaires ont reconnu sans difficulté qu'il y avait un lien de cause à effet entre le crash du Boeing et les maladies constatées chez les habitants du quartier de Bemermer. Mmh. Mais il y a plus grave. C'est quoi? C'est qu'on a découvert que les autorités néerlandaises savaient. Qu'est-ce qu'elles savaient alors? Dès que le crash s'est produit, les services israéliens ont averti les Néerlandais que la cargaison du Boeing contenait des produits dangereux. Mais les autorités, en plein accord avec les Israéliens, ont décidé de se taire. Alors, que les Israéliens aient préféré garder le secret, ça se comprend, hein, enfin, dans une certaine mesure. Mmh. Mais pour les Néerlandais, c'était extrêmement grave. Enfin, je pense aux conséquences sur la population. C'est vrai, c'est juste, c'est troublant. Mais je crois avoir compris. Alors, expliquez-moi. On a découvert, à l'occasion des investigations menées en 1998 et début 1999, qu'il existait une vieille complicité entre les Pays-Bas et Israël au sujet de ces affaires secrètes. Et quelles affaires secrètes? Douaniers et policiers de l'aéroport de Schiphol avaient reçu de strictes consignes. Ils ne devaient jamais se montrer trop curieux dès qu'il s'agissait des avions cargo de El Al. Et pour quelle raison, exactement? L'aéroport de Schiphol servait en réalité de plaque tournante pour toutes sortes de trafics. Israël a souvent livré des armes à des pays pas très honorablement considérés par la communauté internationale. Par exemple? L'Iran ou encore l'Afrique du Sud, vous comprenez? Mmh. Certaines de ces armes transitaient par Schiphol. Les autorités néerlandaises le savaient. Et si l'affaire du Boeing avait été révélée, ces accords secrets auraient risqué d'être découverts. Voilà pourquoi on a préféré garder le silence. Mmh. Autre question, ce sarin, enfin, ou ces composants chimiques destinés à le fabriquer, devait-il parvenir à cet institut mystérieux, là, installé aux portes de Tel Aviv, et dont vous m'avez déjà parlé à propos de l'affaire Klingberg? Nes Ziona, oui, mm-hmm. C'est la vérité. Mais l'avoué, c'était reconnaître qu'Israël travaillait toujours à la production d'armes chimiques. Et ça, c'était un sujet tabou. Rappelez-vous la tragique aventure de Marcus Klingberg, ce savant qui a passé des années au secret et a été condamné pour espionnage parce qu'il a voulu que l'État hébreu cesse de fabriquer ses saloperies. Ouais. Une dernière question. Oui, il dit qu'il y avait 190 litres de produits, c'est ça, hein, destinés à fabriquer du sarin. On est loin des 20 tonnes de fret non identifiées. Effectivement, oui. Alors le reste? Il s'agissait sans nul doute d'autres matériels militaires. Missiles, équipements électroniques, systèmes de guidage, etc. Il devait faire l'objet d'accords secrets de livraison. Mais peut-être même y avait-il d'autres produits chimiques ou radioactifs, mais on ne le saura jamais. Car dès que les journalistes néerlandais ont commencé à enquêter, on s'est débrouillé pour brouiller toutes les pistes et détruire les documents encore existants. À l'appui de cette dernière information, un article du journal Le Monde du 25 avril dernier à propos de l'enquête de la commission parlementaire. Depuis le crash, il restait à identifier une vingtaine de tonnes de fret. L'avion transportait-il un chargement secret dont nul n'aurait eu intérêt à élucider la nature? Bizarrerie supplémentaire. Ce n'est que quelques jours avant la fin des auditions que la commission a récupéré des papiers manquants en provenance d'une filiale américaine d'une société israélienne décrivant une liste hétéroclite de produits électroniques. Enfin, sous le titre « Nes Ziona, le secret le mieux gardé d'Israël », le Figaro a publié sous la signature de Philippe Gély un article relatif à cet institut auquel étaient destinés les produits chimiques entreposés dans la soute du Boeing d'El Al. J'en extrais ces quelques lignes. Derrière une enceinte rehaussée d'un alignement d'arbres dans une banlieue densément peuplée au sud de Tel Aviv, de discrets bâtiments blancs abritent le secret le mieux gardé d'Israël. L'Institut biologique de Nes Ziona dépend directement du Premier ministre. Même les députés israéliens s'en voient refuser l'accès par le Shin Bet, c'est-à-dire la sécurité intérieure. Il emploie 300 personnes, dont 120 scientifiques, et développent, selon des sources étrangères, 43 types différents d'armements chimiques et biologiques. Ces laboratoires classés P3, à la pointe de la recherche militaire, produiraient notamment des poisons synthétiques et des agents bactériologiques mortels. Israël, qui ne fait plus grand mystère de sa supériorité nucléaire au Proche-Orient, a toujours nié fabriquer cette bombe atomique du pauvre, dénonçant sa prolifération dans le monde arabe. Il a signé, en 1993, le traité bannissant les armes chimiques et biologiques, mais ne l'a pas ratifié. Selon le journal Yediot du mois dernier, le pays continue à stocker le virus mortel de la variole en violation des traités et dans des conditions de sécurité défectueuses. À samedi prochain, je vous rappelle l'adresse internet de France Inter, www.franceinter.com. Et là, vous cliquez sur Rendez-vous avec X.